Le bon roi Dagobert par le docteur Cabanès. Sans goûter beaucoup l'humour en matière sérieuse, nous avons plaisir à souligner ce jugement porté sur le roi Dagobert par un historien qui ne s'attarde pas cependant, d'ordinaire, aux propos folâtres. Dagobert fut le dernier prince de la race mérovingienne qui fut véritablement roi dans l'Empire gallo-romain. Son nom est du petit nombre de ceux qui ont été conservés dans la mémoire populaire sous une forme de bonté quoiqu'un peu grotesque. Vous avez deviné que le médecin sociologue Bûcher, dont nous reproduisons le texte, fait ici allusion à la chanson qui met en scène le roi et son conseiller intime, l'orfèvre Éloi, dont la religion catholique a fait un saint, auquel ses vertus valurent l'honneur de la canonisation. Cette chanson offre cette particularité qu'elle s'est accrue d'âge en âge, de couplets nouveaux, et qu'elle est devenue un thème sur lequel on a brodé et on continuera de broder encore, vraisemblablement. On l'a dit antérieure à la Révolution. Elle semble bien, en effet, contemporaine de celle de Marlborough, qui circula en France vers 1789, mais pourrait bien avoir été composée quelques années auparavant. Nos pères n'auraient pas attendu aussi longtemps pour chansonner le vainqueur de Ramilly, d'Oudenarde et de Malplaquet, mort d'une attaque de paralysie en 1722. Pour la chanson de Dagobert, ce qu'on en sait de plus positif, c'est que l'air en aurait été emprunté à une fanfare de chasse. Elle eut une grande vogue en 1814, et l'opposition du moment ne manqua pas d'y introduire quelques traits satiriques contre Napoléon, ce qui la fit interdire par la police. L'histoire de la culotte est une drôlerie dont l'inventeur a négligé de se faire connaître. Quant à la familiarité du roi avec ses ministres, elle a pour base les traits de bonté envers ses serviteurs et envers ses chiens, qu'on attribue au monarque et qu'il a rendu légendaire. Il s'en faut que cette réputation de bonté soit de tout point justifiée. Si nous nous en rapportons aux analystes de son règne, le roi Dagobert aurait été ardent, beau, et sa vaillance l'aurait rendu si célèbre que nul avant lui, entre tous les rois de France, ne saurait lui être comparé. Sa bravoure, son intrépidité à la guerre et aussi sa sévérité pour les rebelles et pour les traîtres ne sont pas contestés. Son nom a traversé tout le Moyen-Âge, entouré d'un prestige que des travaux plus modernes ont notablement réduit. L'auteur d'une histoire littéraire de la France, dont Rivet, a porté le premier coup de sape dans un édifice resté à peu près intact jusque-là. Son jugement mérite d'être rapporté. Un règne d'abord dirigé par la prudence, la modération, la justice et l'équité, puis terni par un enchaînement de débauches excessives, fait en deux mots le caractère de ce prince. Son éducation avait été des plus soignées. Pourvu d'excellentes qualités naturelles, on avait pris soin de l'initier à l'art de régner et il passait pour le prince le mieux instruit dans les connaissances convenables à un souverain. Clotaire II, son père, l'avait établi roi d'Austrasie en lui donnant pour conseiller le maire du palais, Pépin de Landenne, et le digne évêque de Metz, Arnoul. Lorsqu'il fut en âge de se marier, on lui fit épouser une sœur de la reine Silchide Gomatrude. Le mariage eut lieu à Reuilly. Reuilly était une de ces villas de plaisance, comme en possédaient les rois mérovingiens à Compiègne, à Rueil, à Irépany et en d'autres endroits. Les faits du mariage eurent un fâcheux épilogue. Une querelle violente éclata entre Dagobert et Clotaire. Le fils réclamait à son père la part de l'Austrasie, arbitrairement distrait de ce royaume lors de sa première investiture. On dut recourir à un arbitrage, grâce à quoi le différend fut assez promptement réglé. Mais déjà, on pouvait constater l'humeur peu accommodante et l'ambition naissante du jeune prince qui était appelé à régner. Clotaire II, en mourant, laissa son royaume à ses deux fils, Dagobert et Charibert. Bien qu'il eût conçu l'audacieux dessein de s'emparer de tout l'Empire franc, Dagobert obéit à de sages suggestions en laissant à son frère une partie de l'Aquitaine comme apanage. Mais Charibert ayant succombé au bout de 4 années, Dagobert vit se réaliser enfin son rêve. Il devint maître de la Bourgogne et de la Neustrie. Son royaume s'étendit des Pyrénées à la Frise, de la Bretagne à l'est de la Thuriage. Il avait pour limite, au sud, la Visigothie espagnole et la Septimanie, à l'ouest, la mer et la péninsule armoricaine, au nord, la Frise et la Saxe, à l'est, la Limanie et la Lombardie. Dagobert ne resta pas longtemps en paix avec ses voisins. Si les Saxons lui tinrent tête et obtinrent de lui la remise d'un tribut considérable grâce à la complicité des Bavarois, il fit massacrer en une nuit 9000 Bulgares qui avaient pensé trouver un asile sur le territoire de la Bavière. En Espagne, le bon roi fomentait une sédition contre la dynastie régnante. Il mettait à la raison les Bascons des Pyrénées qui avaient fait une tentative de révolte. Vers la même époque, le roi de Bretagne sollicitait son pardon pour les dommages que ses sujets avaient causés aux Francs, leurs voisins. En dépit de la vérité historique, malgré le massacre d'ennemis pris par traîtrise, malgré l'assassinat de son oncle, malgré la fantaisie cruelle qui lui inspira l'ordre de couper la tête à tous ceux de ses prisonniers saxons dont la taille dépassait la hauteur de son épée de guerre, notre personnage reste encore, pour la multitude, le bon roi Dagobert. Sa probité n'est pas mieux établie que sa bonté. Un jour vint, dit de lui le biographe de l'évêque Saint-Ouen, qui vécut à la cour de Dagobert Ier, un jour vint où la fièvre de l'or le saisit, comme tant d'autres rois de sa race, et pour remplir ses coffres, il ne se fit aucun scrupule de lever d'injustes impôts ou de confisquer indûment les biens des particuliers, voire même ceux du clergé. L'auteur des gestes d'Agoberti veut bien convenir qu'on trouverait beaucoup de choses à reprendre dans la vie de son héros, mais il s'empresse de les imputer à sa jeunesse et aux excès inséparables de l'exercice du pouvoir suprême. Il se garde de nous apprendre ce que nous tenons d'autres sources, que Dagobert, après avoir répudié sa première épouse, en prit trois à sa place, qui habitèrent officiellement et simultanément le palais. Quant à ses concubines, les chroniqueurs se refusent à les dénombrer, elles étaient trop. Si Dagobert fut parmi les rois mérovingiens le plus grand de sa race après Clovis, si dans la première période de son règne, surtout il mérita les éloges que la plupart des historiens lui ont prodigués, si les clercs le bénissaient pour les largesses qu'il leur prodiguait, si les ambassadeurs étrangers admiraient la magnificence de sa cour, dernier rayon de la grandeur mérovingienne prêt à s'éteindre, il n'est que juste de reconnaître que par certains côtés on retrouve en lui un petit-fils de Frédégonde. Mais au milieu de ces dérèglements, il conservait l'âme pieuse, espérant racheter par ce moyen ce que sa vie avait de scandaleux. Il se plaisait à s'entourer de saints personnages, comme saint Éloi, saint Ouen, évêque de Rouen, saint Didier, évêque de Cahors, Arnoul, le saint évêque de Metz. Éloi, le plus connu, est resté le plus populaire de ses mentors. Il avait eu des débuts assez humbles. Ses parents l'avaient mis en apprentissage chez un orfèvre très expert du nom d'Abon, qui dirigeait l'atelier monétaire royal dans la ville de Limoges. En peu de temps, Éloi acquit lui-même une véritable maîtrise dans l'art de travailler les métaux. Le trésorier du palais royal, à qui vint aux oreilles son renom d'habile ouvrier, le fit venir à Paris et le retint à son service. Clotaire, alors régnant, exprima le désir d'avoir un trône en or massif. Éloi se fit fort de mener à bonne fin cet ouvrage. Il se mit à l'œuvre et réussit à faire deux sièges, au lieu d'un, avec la matière qui lui avait été remise. Lorsque Clotaire eut sous les yeux le trône éclatant que lui présenta son orfèvre, il ne put retenir un cri d'admiration. Mais lorsqu'Éloi découvrit le second siège qu'il avait tenu en réserve, le roi, de plus en plus émerveillé, ordonna de donner à l'artiste qui avait réalisé ce chef-d'œuvre une récompense digne de son talent. « Désormais, ajouta-t-il, vous aurez ma confiance jusque dans les plus grandes choses. » De ce jour, Éloi fut invité, selon l'usage, à prêter serment de fidélité sur les reliques conservées dans la chapelle royale et prit rang parmi les officiers de Clotaire II. Le fils de Clotaire, Dagobert, conserva sa confiance à saint Éloi, qui la justifia pleinement. Saint-Ouen remplissait au palais l'une des principales fonctions administratives, celle de référendaire. Sa charge consistait à soumettre à la signature du roi les diplômes, quand celui-ci ne les signait pas lui-même, et à garder l'anneau destiné à sceller les actes diplomatiques. Le référendaire avait sa place à côté des comptes palatins, dans le tribunal suprême présidé par Dagobert. Les jugements rendus au nom du roi devaient porter sa signature. Ce fut Saint-Ouen qui signa l'acte de donation fait par Dagobert en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. Dagobert fit d'abord don au monastère de Saint-Denis de la ville d'Écouen, qui faisait partie du domaine royal. Sur l'ordre du monarque, cette ville-là passa en toute propriété, avec ses bois, ses prés, ses pâturages et ses cours d'eau, à la basilique et au clerc qui la desservait. Le fisc ne pouvait désormais prélever aucun impôt ni exercer aucun droit dans la propriété concédée. Dagobert ne cessa de doter l'abbaye qu'il avait prise sous sa protection. C'est ainsi qu'il fit percevoir 100 sous d'or sur les revenus de la douane pour acheter l'huile nécessaire à l'éclairage de l'abbaye, ordonnant en outre que les 6 chariots sur lesquels cette huile serait transportée n'acquitteraient pas de péage jusqu'à leur lieu de destination. Le même roi fonda en outre à Saint-Denis une foire qu'il fixa au 9 octobre de chaque année et dont il céda aux religieux tous les droits. Il exigea des marchands étrangers 2 sous d'or, des Saxons, Hongrois et commerçants des cités gauloises 12 deniers par chaque charreté de miel ou de garance, sans préjudice des droits de roulage et de passage. L'abbaye et son clergé devaient jouir à perpétuité de tout ce qui pouvait revenir au roi ou au fisc, aussi bien du marché que des marchandises qu'on y apportait. Droits de douane, de navigation, de port, de débarquement, droits sur les roues, la marche et l'attelage des voitures, droits pour l'entretien des routes et des haies qui les bordent, droits de forage sur le vin débité, de sommage sur les bêtes de somme, de salut ou pot de vin, de muage, de l'os sur les ventes, etc. Comme remarque celui qui rapporte ces détails, les rois francs ne le cédaient à personne dans l'art de pressurer leurs sujets. Dagobert ne se contenta pas de doter magnifiquement l'abbaye de Saint-Denis. Il ordonna de transporter les restes du saint dans une église beaucoup plus spacieuse que la modeste chapelle où il avait reposé jusqu'alors et qu'il fit édifier à ses frais en même temps qu'il commandait à Éloi diverses œuvres d'art pour en rehausser l'éclat. Le nom de Dagobert restera éternellement attaché à la fondation de la célèbre basilique. Cette fondation a plus fait pour sa mémoire que bien les actes plus mémorables de son règne. Cette libéralité fastueuse, ainsi que de nombreux privilèges en faveur des communautés religieuses, lui valurent bien des indulgences de la part de l'Église, bénéficiaire des donations et de ses faveurs. Il fut jusqu'à concéder la faculté de battre monnaie aux églises de Tours, de Limoges, de Cahors, du Mans, de Jumièges, etc. On conserve, dans les cabinets numismatiques, des triomphes tourangeaux ou sols tournois, des sous d'or de Limoges, sur le champ desquels est figuré Saint Martial, apôtre du Limousin, des triomphes de Cahors, etc. La célébrité que le roi Dagobert a obtenue d'une façon si bizarre a rejailli jusque sur un fauteuil qui, après avoir été conservé durant plusieurs siècles dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, passa au palais royal pour être enfin déposé au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Ce siège, qui rappelle la forme des chaises des consuls romains, a bien pu servir comme tel sous le Bas-Empire. Le fait qu'il a été trouvé dans l'abbaye de Saint-Denis a fortement accrédité l'opinion qui en fait remonter l'origine à l'époque de Dagobert. Les rois, quand ils avaient besoin de calme et d'un air pur, se retiraient dans leur villa pour y attendre la guérison ou la mort. Dagobert Ier ressentit, à Épinay-sur-Seine, les premières atteintes de la maladie qui l'emporta. Une affection intestinale aurait mis un terme à ses jours. Sentant sa fin prochaine, il fit convoquer les grands à son lit de mort et, les voyant consternés de douleur, leur prodigua des paroles de consolation. On lui prit un discours qui, s'il l'a réellement prononcé, attesterait une âme forte et qui l'élève grandement à nos yeux. « Quoique, dit-il, entre autres choses, les misérables mortels doivent toujours avoir devant les yeux, pendant qu'ils sont en santé, le jugement à venir du Dieu Tout-Puissant, cependant, au milieu de la maladie, il ne faut nullement désespérer de sa sainte miséricorde. On doit seulement alors veiller plus attentivement au salut de son âme et se racheter soi-même autant qu'on peut, en donnant ses biens aux pauvres, afin d'assurer après la mort les récompenses de ce clément juge. Ainsi donc, pour le salut de notre âme, nous donnons, dès à présent, en totalité, les domaines désignés dans le présent acte au marguillier de la basilique de Saint-Denis. Nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, on tirera chaque année de quoi nourrir les pauvres dont nous nous sommes souvent occupés. Si nous n'avons dissimulé aucune des tâches qui obscurcissent le règne de Dagobert Ier, il est équitable de compter à son actif l'esprit de justice qu'il chercha, dans maintes circonstances, à faire prédominer, surtout à l'égard du menu peuple. Rendant compte du voyage qu'il entreprit à travers ses états, un historien, peu suspect de partialité envers Dagobert, lui rend hommage en des termes que notre impartialité nous commanderait de transcrire à défaut de toute autre considération. Il entra en Bourgogne, écrit cet historien, et frappa de tant de terreur les pontifes, les grands et le reste des leudes de ce royaume, qu'il en devint l'objet de l'admiration universelle. Il répandait ainsi une grande joie parmi les pauvres auxquels il faisait obtenir la justice. Il ne recevait aucun présent, il ne faisait aucune exception de personne. Plein de ce désir bienfaisant, il n'admettait point le sommeil dans ses yeux, il ne se rassasiait point de nourriture, n'ayant d'autre pensée que de faire que tous pussent se retirer contents de sa présence après avoir obtenu justice. Et l'auteur de ce panégyrique termine par ces lignes. Ce n'est pas sans regret qu'on quitte l'histoire de Dagobert sans pouvoir en apprendre davantage sur ce prince qui régna sur un empire aussi vaste que celui de Charlemagne, qui, comme lui, réforma la législation, car c'est par son ordre que les lois des Saliens furent publiées aussi bien que celles des Bavarois et des Allemands, qui couvrit la France de monuments religieux, remarquables par le progrès des arts et de l'opulence qu'ils supposent, et par le goût nouveau qui présida à leur construction. À quelle ironie se plaît le maître de nos destinées ? Alors que Dagobert fut un des plus illustres représentants de sa race, par les grandes choses qu'il a durant son règne accomplies, par les institutions qu'on lui doit, par l'ascendant que le peuple franc avait grâce à lui acquis au dehors, alors qu'il fut le dernier des Mérovingiens qui portait fièrement le sceptre, son nom n'est resté dans la mémoire populaire que comme celui d'un monarque un peu burlesque, grâce à des couplets railleurs imaginés par un facétieux chansonnier. Et la tradition est si bien enracinée que nous sentons vains nos efforts en faveur de la vérité historique, car rien ne prévaut contre une légende dont l'absurdité assure la pérennité. Ainsi s'achève le bon roi Dagobert, par le docteur Cabanès.